La sérénade par André Theuriet. Tous les matins, entre 11h et midi, je percevais la malade à travers les glaces d'une large fenêtre au store relevé. Étendue sur une chaise longue, enveloppée dans sa pelisse, elle semblait boire avidement ce tiède soleil qui, même en décembre, donne aux villes de la Corniche l'illusion d'un factice printemps. Je voyais distinctement sa pauvre figure exsangue dans l'encadrement de belles boucles blanches et d'une fanchon de dentelle noire. En dépit de l'âge et de la maladie, elle conservait de précieux restes de beauté, ses yeux bruns aux paupières meurtries, le délicat modelé déjoué du nez, le fugitif sourire de sa bouche au coin retroussé, laissaient deviner les séductions d'autrefois. Son visage souffrant gardait cette grâce lumineuse, cette bienveillance attirante, divin privilège des femmes qui ont beaucoup aimé. Elle se nommait Madame de Préfailles et occupait depuis 5 ans le premier étage de la villa M. Dans le voisinage, toute une romanesque légende courait sur son compte. Après quelques années d'un mariage mal assorti et d'une éclatante rupture, elle était venue dans le Midi et s'était mêlée à la société nomade et cosmopolite qu'on rencontre dans les villes d'eau et les stations d'hiver à la mode. Riche, indépendante, parée de sa jeunesse et de sa beauté, on l'avait vue à Rome, à Florence, à Nice, très entourée et fêtée, menant triomphalement la ronde des plaisirs mondains. Subitement, elle avait disparu. On parlait d'une grande passion dont elle avait été cachée la félicité partagée dans une verdoyante retraite au bord du lac de Côme. Un amoureux mystère planait sur les déjà lointaines années de sa savoureuse maturité. Puis, un jour, on l'avait vue revenir à Nice, vieillie, malade, mortellement souffrante d'une blessure intime et cachée. Elle s'était cloîtrée dans un appartement de la villa M et n'en sortait plus. Tout ce que je savais de la vie orageuse de cette recluse volontaire m'intéressait vivement. Chaque jour, de ma croisée en face, je guettais curieusement l'apparition de Madame de Préfailles dans le cintre de la large baie vitrée. Accoudée au coussin de la chaise longue, elle inclinait sa tête aux boucles blanches vers le jardin ensoleillé qu'une grille séparait de la rue. Elle regardait alternativement le ciel d'un bleu immaculé et le fouillis de palmiers, d'orangers et d'eucalyptus qui balançaient sous sa fenêtre leur feuillage baigné de la gaie lumière de midi. Elle écoutait avidement les bruits du dehors, les cris traînants des marchands de sardines, la musique banale des orgues en plein vent, le roulement des landaux et des victorias emportant vers Cimiez ou vers Beaulieu des promeneurs jeunes et souriants. Alors, dans ses grands yeux, aux paupières bistrées, il semblait qu'on vit passer, comme des palombes en détresse, toute une envolée de pensées douloureuses. On surprenait plus d'une révélation dans ses regards aux lueurs mouillées. Regret des heures d'amour irretrouvables, ressouvenir amèrement doux d'un passé à jamais aboli. On y devinait surtout une poignante tristesse, née de la comparaison de ce ciel délicieusement bleu, de ces arbres toujours verts, de la jeunesse de ces roses épanouies en plein décembre, avec le dépérissement de ce pauvre corps en maladie, d'où la vie s'en allait irréparablement, goutte à goutte. Nulle part, plus qu'au milieu de cet éternel printemps du Midi, on ne sent si implacablement la déchéance de la vieillesse, la brièveté de l'existence humaine. Nulle part, on envie davantage l'enchantement de cette jeunesse au front couronné de violettes, qui, pareille à la virginité de Sappho, s'évanouit si vite et ne revient jamais plus. Dans les âmes féminines principalement, la constante contemplation de ces paysages heureux, où tout invite à des plaisirs qu'on ne peut plus goûter, dépose une lie d'amertume. Chez les natures sèches et personnelles, elle fait naître une féroce jalousie de tout ce qui est jeune et beau. Chez les femmes nativement bonnes, comme était Madame de Préfailles, elle attriste cruellement le soir de la vie et rend plus douloureux le deuil de leur jeunesse et de leur bonheur. De quelle nature était la catastrophe qui avait brutalement clos le roman d'amour de la malade? Ce fatal dénouement avait-il été amené par la mort, la lassitude ou la trahison? On l'ignorait, mais certainement le coup avait été rude, et il retentissait encore. Loin de s'améliorer, la santé de Madame de Préfailles allait toujours s'affaiblissant, et chaque jour, ses stations derrière la baie vitrée devenaient de plus en plus écourtées. Le soir de Noël, j'étais allé visiter dans la vieille ville les présépis, les crèches, spectacle naïf, renouvelé des mystères du Moyen-Âge, divertissement cher au peuple niçois, où l'on représente l'annonciation aux bergers et l'adoration des rois mages. J'étais entré un peu là d'avoir gravi les étroites rues noires des vieux quartiers, et comme 11 heures sonnait, je m'apprêtais à me mettre au lit quand un bruit, inaccoutumé dans la rue ordinairement silencieuse, attira mon attention. La grille du jardin d'en face tournait sur ses gonds et sous les orangers, j'entendais chuchoter à mi-voix en langue italienne. J'ouvris ma croisée. Il faisait une de ces transparentes nuits bleues particulières à ce climat béni. L'air était calme et tout imprégné de l'odeur des eucalyptus. Au fond du ciel, des milliers d'étoiles clignotaient, un peu pâlies par le premier quartier de la lune. Devant le perron de la Villa M, au milieu d'un rond-point, 5 musiciens, 2 violons, un violoncelle et 2 mandolinistes, formaient un demi-cercle autour d'un 6e exécutant qui semblait le chef de ce petit orchestre et qui tenait à la main une clarinette. Leurs silhouettes se découpaient nettement sur le pavé blanchissant et sur la façade baignée de lune. Cette scène inattendue avait un caractère si italien. Il existait une si poétique harmonie entre cette nuit limpide et bleue, cet air suavement parfumé, ces orangers aux feuilles luisantes, que je fus pénétré d'une joie tout esthétique, comme devant tableau de Mantegna ou de Botticelli. Dans le silence de la nuit, dans l'encadrement sombre des arbres, les gestes sombres des musiciens, leur attente recueillie, prenaient je ne sais quoi de religieusement attendri, qui me donnait une jouissance d'art encore inéprouvée. À ce moment, la large baie du premier étage s'éclaira, et à la blonde lumière des lampes, je vis qu'on poussait tout contre les glaces la chaise longue sur laquelle, enveloppée de fourrure, Madame de Préfailles était étendue. Dans cette soudaine clarté, sa pâle figure, hachée d'ombre, me parut plus que jamais altérée par la maladie. Sa tête aux boucles blanches s'affaissait comme trop lourde sur les coussins. Les yeux demi-voilés faisaient 2 trous noirs dans le visage exsangue, et la bouche amincie avait une indéfinissable expression de désir et d'enfantine impatience. Cette spectrale apparition fut le signal. Le chef du petit orchestre porta à ses lèvres sa clarinette, et les musiciens attaquèrent vivement un air napolitain, une de ces mélodies populaires qui sentent le soleil, la joie expansive, les danses pétulantes sous les treilles, en face de la mer azurée et lisse. À cette chanson succéda une barcarolle, puis des morceaux de la Traviata et de Rigoletto. La malade avait soulevé sa tête sur une de ses mains amaigries, et je m'imaginais voir des larmes scintiller dans ses yeux. En même temps, il me semblait qu'à travers la frêle enveloppe du corps maladif, je lisais au fond de cette âme vacillante et prête à s'évanouir. Sans doute, chacune des notes de cette musique nocturne évoquait en elle un souvenir qui se mettait à chanter comme un oiseau réveillé à la prime aube. Lambeau par lambeau, son passé de jeunesse et d'amour ressuscitait avec ses enthousiasmes et ses brèves ivresses. Et c'était comme une procession d'ombres chères glissant d'un pas léger autour de sa couche. Voluptueux tête à tête dans une loge de la Scala, sérénade embarque sur les eaux tranquilles du lac, entre Bellagio et Tremezzina, nuits enchantées sous les lauriers de la Villa Serbelloni, nuits douloureuses aussi peut-être dans l'attente et le soupçon d'une infidélité. À ces évocations devaient se mêler également d'anxieuses réflexions sur la signification et le but de cette orageuse vie humaine, sans cesse durement ballottée entre la peine et le plaisir. Qu'était-ce en somme que ce bonheur tant regretté? De quelle fragile étoffe étaient issues ces joies tant cherchées? D'insaisissables rêves, de consumants désirs, un éclair de plaisir évanoui avant d'être complètement savouré, puis le souvenir, cet autre rêve d'une ombre. Était-ce donc tout, et n'existait-il rien de plus que cette fuyarde illusion? Mais aux accents de cette musique évocatrice, quelque chose au fond du cœur de la malade protestait et persistait. La conscience d'avoir aimé, de s'être dévouée à quelqu'un, d'avoir répandu hors d'elle-même sa tendresse et sa bonté comme une eau bienfaisante. Oui, tout est vain sauf l'amour, sauf le don de soi-même à un être chéri, et cette conviction, sans doute, réjouissait et consolait son âme au seuil de la mort. Je le souhaitais ardemment, tout en écoutant la troublante musique de Verdi monter tendrement sous les orangers, tout en regardant la pauvre et attachante figure de la moribonde, si pâle sur la blancheur des coussins. Ses émotions étaient probablement trop fortes pour la malade, car sa tête retomba en arrière. La chaise longue, poussée par deux femmes de service, se renfonça lentement dans le fond de la pièce et les lampes furent emportées. Peu après, un domestique descendit les degrés du perron et distribua de l'argent aux musiciens qui s'éloignèrent discrètement comme ils étaient venus. La rue redevint déserte. Les étoiles, là-haut, clignèrent seules leurs yeux d'or au-dessus des massifs d'orangers, tandis qu'au loin, les cloches de Noël, dans les campaniles d'église, carillonnaient pour saluer la naissance de l'enfant Jésus. Le lendemain, j'appris que Madame de Préfailles était morte. Elle s'en était allée au son de ses airs préférés, savourant comme un bouquet de jeunesse ses dernières sérénades, enveloppée dans ses souvenirs d'amour comme en un chaud et soyeux linceul. Ainsi s'achève la sérénade par André Theuriet.